tina ba 10 000 2 ale ti bango tina 1000 tina 10 000 tina 100 000 2 soko koti wenze il faut tambola soko koti wenze il faut tambola tamu susu ozana besoin ya vrai plan okoti kana wenze boye directement au boni et pourtant vrai plan eza kuna loin donc soko koti wenze il faut tambola allo yamokolo wewe na comprendre te yamokolo okoti na wenze il faut tambola okoma mwa musika oyebi soko ozana besoin ya tomate par exemple oui okoti wenze ba tomate musu ekola enta directement au moni tomate a nazwakaka oyo mpona za presse et pourtant vrai tomate eza na sima alors il faut tambola don alobi trove bongo sikoyo bongo sikoyo bongo sikoyo ya mokolo oleki bango banani yango yango nalingaka tuna yo te oleki bango bon yaka na liboso moke parce que ya mokolo obeti kazak moko eza na fante na nsima nalingi naolakisa nanu olaplande nakende izenizite omoni ngai nano ake militaire nazaka na kati ya kilme naza fort nazobeta mabe naza fort adarse ngai nazaka na kati ya bakilme nazobeta danse nano okene mosika te nana ke mikili te pe mais oza na plan ya kokende mikili soki sponsor nanga alingi omoni ke nga naza leader donc soki balobi leader ya troisième génération obi vie toi très content vetoi na troisième république donc na bajeune sikoyo na ndule nga naza leader na bango Et en effet, c'est le premier show que Télé Zaïre vous offre à l'aube de la Troisième République avec MNEA Commando. Le premier show que vous offre également Primus, la brasserie de l'an 2000. Yamokolo, ce qui mokolo, il faut. Obi, il faut voir que yango bien que Mikolo yo. Ata to na kata bakin. Mais Mikolo za ka yoji yama moto ba machuda ba goltier ba nilo. Moni ba msusu. Ba msusu. Tine tile kutu na lobe. Mama tro. Ya Mikolo. Je. Na expliquer les susu ke. Soki to mona na vate na ba écran. Oui. C'est parce que tu as une émission y a boye. Donc, au niveau où tu as un leader, il faut ba clip oyo, clip oyo et salami malam. Donc, là, tu as un playback. Oyo, tu as un boye. Tu as un clip y a bien, la voix d'Isaïe a fini sur mon tête. Tu as un tamboli, tu as un clip y a bien. Tu as un peu de mélomane, tu as un peu de vrai. Et ça, boye. Mais. Le problème est que le conseil est à la télé Zaïre. Il y a la DGA en Abisso, il y a le directeur du programme, et il y a la brasserie de l'an 2000. Bon, il y a la brasserie de l'an 2000. Oui, bien. Mais, je pense que la Troisième République, tout le monde a clair pour moi, la voix de Zaïre, il y a un peu de larmes, mais si vous avez une larme trop. Donc, tu es très content. Ok. Oui. Eh bien, merci. Yamokolo, est-ce que on peut mettre la cabane pour le colia? Ah! Colia n'a pas bon. Donc, tellement que gentil, c'est le gars trop. N'a comment? Donc, on peut s'arrêter avant, servir. Donc, on peut s'arrêter avant, on a eu mon corps. Colia n'a pas bon d'amis, il n'y a pas bon d'amis. Bon d'amis. Eh bien, Yamokolo, Yamokolo, na kope misa muke, muke kaka, pona la kisabaninga, moto ya zaka penza, vyo ni uta la sapato? Oh, sapato ki ba pesi o coup de pied, o kufi? Kofi, eza, o ba pesa ba coup de pied, ba daye, wana ba fo, ba, ba cuir mo ya mabe. Oh, is that vrai? Vrai cuir. Donc, les années de gaga, donc, chouf, chouf, donc. So, na bete gabo, y'a continu en moi. Hey!